Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous. Un épisode qui risque de vous faire peur parce que c'est l'Halloween 2024. Je vais parler aujourd'hui de quelques franchises de films d'horreur et quelques autres films qui me semblent plus ou moins associés d'une manière ou d'une autre entre eux. Commençons avec le film Insidious, sorti en 2010, réalisé par James Wan, écrit par Leigh Whannell, produit par Jason Blum, Steven Schneider et Oren Peli, qui met en vedette Patrick Wilson en tant que Josh Lambert, Rose Byrne en tant que Renee Lambert, Lynn Shay en tant que Elise Rayner, T. Simpkins en tant que Dalton Lambert. James Wan nous fait un film sur les esprits dont le point de départ ne semble pas bien original, mais il fera quelque chose de, il me semble, bien plus intéressant avec le sujet. Une famille semble remarquer des phénomènes paranormaux du genre esprits, démons, maisons hantées, etc. Après qu'un des enfants ait perdu connaissance, on ne sait pourquoi. Éventuellement, une experte en paranormal va essayer de les aider. Il est difficile de parler de ce film sans spoiler un peu. Je vais donc devoir dévoiler quelques éléments, mais bon, c'est la base de l'histoire et je serais surpris que ce ne soit pas dans le matériel promotionnel du film. On apprend que ce n'est pas la maison qui est hantée, mais l'enfant. Il a développé sans le savoir le don du voyage astral en dormant et se retrouve enfermé dans le monde des morts. Des entités essayant de s'emparer du corps de ce dernier, et il semblerait que bien qu'il l'ait oublié, le père de l'enfant avait développé le même don durant son enfance, et ce sera donc à lui d'aller chercher son fils dans l'au-delà. Les retournements de ce scénario sont plutôt intéressants et nous proposent donc une intrigue avec quelques thèmes intéressants, plutôt que les habituelles maisons hantées, possession et malédiction. Même si le film abuse un peu par moments du jumpscare ou d'images choc très artificielles, ce n'est pas ce qui prime et il y a bien pire en la matière. On travaille à fond l'ambiance et la construction de l'univers du film, la progression est bien menée et le style est très réussi. Un film d'horreur étonnamment efficace, sans doute trop effrayant pour un parent, surtout un parent de jeunes enfants qui risque trop de s'identifier à la situation. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 est une nullité absolue, telle que le jeu des conservateurs en politique fédérale. Donc, Insidious se mérite, selon moi, une note de 4 sur 5. C'est vraiment excellent. Ce qui m'amène à Insidious Chapter 2. Insidieux, chapitre 2. Réalisé par James Wan sur un scénario de Leigh Whannell, sur une histoire de James Wan et Leigh Whannell, produit par Jason Blum et Oren Peli, sorti en 2013. La suite n'est pas une des nombreuses suites qui se contentent d'essayer de refaire le premier film en plus grand, c'est une véritable continuation de l'intrigue. Ce n'est peut-être plus aussi original que la première fois, mais c'est très bien mené par la même équipe. Le scénario a bien quelques moments de détours un peu inutiles et la fin, ouvrant sur une suite qui n'existe toujours pas, a été collé de manière très artificielle, mais sinon ça marche bien. Donc, c'est un divertissement honnête qui se mérite un 3. Insidious Chapter 3, réalisé par Leigh Whannell, écrit par Leigh Whannell, produit par Jason Blum, Oren Peli et James Wan, sorti en 2015. Avec Lynn Shay en tant que Elise Renner, Stephanie Scott en tant que Quinn Brenner, Dermot Mulroney en tant que Sean Brenner, on revient dans ce préquel dans une affaire précédente de la même experte en paranormal qu'on a vu dans le premier film, une médium qui parvient à communiquer avec les esprits qui va devoir aider un autre cas de personne hantée par une entité maléfique, une adolescente qui avait essayé de contacter sa mère décédée. C'est pas mal du tout, l'autre monde est encore une fois utilisé de manière plutôt intéressante, mais cela n'a certes plus la fraîcheur et la frayeur psychologique de l'original. C'est donc un divertissement honnête qui se mérite un 3. Ensuite, Insidious de Lasky, réalisé par Adam Robitel sur un scénario de Leigh Whannell, produit par Jason Blum et Oren Peli et James Wall et Leigh Whannell, sorti en 2018. Dans cet autre préquel, plus près temporellement du premier film, la même médium que dans les précédents films aura affaire à un autre mauvais esprit, mais cette fois-ci, c'est plus personnel puisque ça a lieu dans l'ancienne maison de son enfance où elle a connu traumatisme et tragédie familiale. C'était déjà un peu le cas du film précédent, mais l'intrigue a un peu un côté aventure-enquête où on essaie d'explorer les mystères, de suivre les indices. C'est assez réussi, mais je ne crois pas que la série ait à ce point vraiment le potentiel d'avoir plus de films, même si une suite a été annoncée. Ce qui m'amène justement à cette suite, Insidious de Red Door, réalisé par Patrick Wilson, écrit par Scott Teams, sur une histoire de Leigh Whannell et Scott Teams, basé sur les personnages de Leigh Whannell, produit par Jason Blum et Oren Peli et James Wan et Leigh Whannell, qui met en scène T. Simpkins, Patrick Wilson, Sinclair Daniel, Iam Abbas et Rose Byrne, sorti en 2023. Avec cette suite, on n'a finalement pas un autre préquel, mais une véritable suite des deux premiers films. Attention, cela ne continue toujours pas plus l'élément d'intrigue balancé à la toute fin du second film. On revient à la famille de l'intrigue des deux premiers films des années plus tard. Les enfants ont vieilli, les parents ont divorcé et la grand-mère est décédée. Pour éviter les problèmes, on avait effacé la mémoire du père et du fils, mais cela n'a pas été sans effet sur leur vie. Le père vit seul et le fils s'en va commencer des études en art. Cela pourrait amener à des relations intéressantes, des problèmes dans la vie des personnages. Le film n'a pas la qualité stylistique des premiers films, mais le résultat est étonnamment d'une qualité très correcte pour la première réalisation d'un acteur. Le film abuse bien sûr toujours un peu des jumpscares comme les précédents films, mais je présume que ça aurait pu être pire. L'art est pas trop mal utilisé, la solitude du père aussi, mais en dehors du père, j'ai l'impression que le traitement des personnages est plutôt superficiel, même le fils qui me donne pas mal l'impression d'être l'exemple type de l'ado artiste tourmenté sans rien de plus. Même s'il y a quelques scènes plutôt bonnes et quelques idées intéressantes, cela m'a surtout fait une impression de tout ça pour ça. Le film n'amène au final pas grand-chose d'intéressant qui n'était pas déjà dans les films précédents en mieux, malgré le contexte familial très différent. Manque-t-il l'âme? Qui plus est, on ne voit qu'assez peu le très loin, ce qui constitue sans doute l'élément le plus intéressant de la série de films, avec les personnages généralement bien amenés dans les films précédents. Il y a bien la scène plutôt réussie de scan IRM, mais le sujet est assez facile et a été mieux utilisé ailleurs, et surtout elle est gâchée par le marketing. Il y a aussi un message assez réussi sur l'importance de se rappeler, mais cela ne suffit pas pour en faire un film qui se démarque. Mais ça reste un divertissement correct, qui se mérite donc un 3. Peut-être le premier Insidious a mené James Wan à réaliser le film dont je vais parler maintenant, vu les grandes similitudes de la thématique et de l'ambiance, du moins en partie. Je vais donc bien sûr parler maintenant du film The Conjuring, réalisé par James Wan, écrit par Chad Hayes et Carrie W. Hayes, produit par Donnie DeRosa Grund, Peter Safran et Rob Cohen, sorti en 2013. Avec Vera Farmiga en tant que Lorraine Warren, Patrick Wilson en tant que Ed Warren, Lily Taylor en tant que Caroline Perron, Ron Livingston en tant que Roger Perron. Ce premier film de la franchise Conjuring Universe est, comme les films principaux de la série et non comme les spin-offs, basé sur une affaire supposément véridique des autoproclamés démonologistes Ed et Lorraine Warren, une médium et son mari, les plus célèbres personnalités du paranormal, qui ont travaillé sur une tonne d'affaires pour le compte de l'Église sur laquelle ils n'auraient pas fait de profit commercial directement, ce qui ne les a bien sûr pas empêchés d'exploiter le filon avec l'apparition de livres basés sur leurs plus fameuses affaires, les bénéfices de leur adaptation et les visites payantes de leurs salles mystérieuses où ils ont caché des objets maléfiques impliqués dans chacune de leurs enquêtes. Les trois Conjuring actuels sont tous trois adaptés de trois de leurs affaires les plus célèbres. Dans le premier film, on a une famille dont la maison est tentée. Le film n'a pas l'autre monde de la série Insidious, mais l'ambiance est assez bien travaillée. On abuse bien sûr un peu des jumpscares, mais au moins il y a de l'effort en comparaison avec d'autres films du genre. La photographie est assez réussie, ça marche bien. Le film se mérite donc selon moi un 3 sur 5. Il y a eu ensuite Annabelle, réalisé par John R. Leonetti, écrit par Gary Doberman, produit par Peter Safran et James Wan, sorti en 2014 avec Annabelle Wallis pour jouer le rôle de Mia Form, Ward Arton qui joue John Form, Alfred Woodard en tant qu'Evelyn. Dans Conjuring, on avait souligné de manière assez peu subtile l'un des objets maléfiques de la collection des Warren, qui est bien évidemment le sujet de ce premier spin-off, en fait de la majorité des spin-offs pour le moment, la poupée sinistre que l'on nomme Annabelle. Un mari offre à sa femme enceinte la précieuse poupée qu'il a trouvée. Certains événements se déroulant autour du couple mèneront la mère à suspecter la présence d'un culte satanique. Le film n'est franchement pas original, mais je présume qu'il y a péri, se laisse regarder. Il se mérite donc un 2. The Conjuring 2, réalisé par James Wan, sur un scénario de Chad Hayes et Carrie W. Hayes et James Wan et David Leslie Johnson, sur une histoire de Chad Haynes et Carrie W. Haynes et James Wan, basée sur les personnages de Chad Hayes et Carrie W. Hayes, produit par Peter Safran, Rob Cohen et James Wan, sorti en 2016. Vera Farmiga est toujours Lorraine Warren, Patrick Wilson revient en tant que Ed Warren, Madison Wolf est Janet Hodgson, la principale fille, et France O'Connor et Peggy Hudson, la mère. Ed et Lorraine Warren vont devoir s'occuper d'un autre cas d'esprit maléfique autour d'une famille monoparentale britannique qui cible plus spécifiquement l'une des filles. L'ambiance est encore une fois assez réussie avec quelques bonnes idées et des personnages assez bien exploités. Même si ça n'a pas grand-chose d'original, au moins c'est efficace. Ça se mérite donc un 3. Il y a eu ensuite Annabelle Création, réalisé par David F. Sandberg, écrit par Gary Doberman, produit par Peter Safran et James Wan, sorti en 2017. On revient cette fois-ci sur l'origine d'Annabelle, en quelque sorte, avec des orphelines qui sont hébergées chez un vieux couple où il se passe des choses pas normales. C'est dommage, la séquence d'ouverture était pas mal et pendant un temps, l'intrigue n'avançait pas trop mal, sans être très original, en exploitant relativement bien ses personnages et situations, avec une ambiance correcte, mais éventuellement, on balance tout ça pour se concentrer sur le jumpscare et l'absence totale d'originalité. Le film se mérite donc un 2. S'ensuit The Nun, réalisé par Corinne Hardy sur un scénario de Gary Doberman, d'après une histoire de James Wan et Gary Doberman, produit par Peter Safran et James Wan, sorti en 2018. Dans Conjuring 2, on avait introduit un mauvais esprit ayant l'apparence d'une nonne effrayante. C'est bien sûr le sujet de ce spin-off. On pourrait dire d'une certaine manière qu'on revient sur les origines même, si ce n'est pas exactement ça, mais en quelque sorte une future sœur qui n'a pas encore fait ses vœux et un prêtre sont envoyés enquêter les événements dans un monastère en Roumanie. Un jeune homme du coin va les aider jusque-là et bien sûr va éventuellement revenir dans l'intrigue. Il y a bien sûr présence démoniaque. L'endroit était sans doute une bonne occasion de créer une ambiance effrayante. Le fait qu'éventuellement on ne se contente pas d'endurer les phénomènes et d'affronter les démons, mais qu'il y a une quête était éventuellement prometteur. Mais au vu de ce qu'il en est fait avec un scénario pourri, hyper prévisible, une ambiance ni recherchée, ni subtile, et des jumpscares à tire-larigot, ça fait sans aucun doute le pire film de la série qui se mérite un 1. C'est pas bon. Ça pue. S'ensuit Annabelle comme Home, réalisé par Gary Doberman, sur un scénario de Gary Doberman, d'après une histoire de James Wan et Gary Doberman, produit par James Wan, Peter Safran, sorti en 2019. Après avoir introduit Annabelle dans le premier Conjuring, après l'avoir exploité dans une affaire quelconque avec Annabelle, après être revenu sur ses origines, et après avoir fait un très mauvais spin-off sur une autre entité maléfique que Annabelle, il est grand temps de revenir à la maison. Dans ce film, la fille des Warrens, sa babysitter, une amie de cette dernière et dans une moindre mesure l'intérêt sentimental de la babysitter, sont confrontées aux entités entourant les objets maléfiques de la maison, notamment Annabelle. Ce qui pourrait sembler être un concept ridicule donne pourtant un film pas si mal, avec des personnages bien utilisés, des moments un peu effrayants mais pas trop, surtout si on est adulte, cela constitue un film d'horreur bien amusant, parfait pour de jeunes adolescents avant une partie de Ouija. Ce film se mérite donc étonnamment un 3. Ce qui m'amène à The Conjuring, The Devil Made Me Do It, sorti en 2021, réalisé par Michael Chavez, sur un scénario de David Leslie Johnson McGodrick, d'après une histoire de James Wan et David Leslie Johnson McGodrick, basé sur les personnages de Chad Hayes et Carrie W. Hayes, et produit par James Wan et Peter Safran, qui met en vedette Vera Farmiga en tant que Lorraine Warren, Patrick Wilson en tant que Ed Warren, Ruairi O'Connor en tant que Arne Cheyenne Johnson et Sarah Catherine Hook en tant que Debbie Gladzell. Ce film propose bien sûr une autre affaire de Ed et Lauren Warren, cette fois-ci un adolescent arrêté pour meurtre qui aurait commis l'acte en étant possédé. Nos protagonistes vont enquêter pour prouver la chose et surtout pour arrêter la possession. Le film a un petit côté enquête avec un potentiel intéressant et on ajoute de la tension avec Ed qui semble avoir maintenant des problèmes cardiaques, mais en fin de compte, le développement hyper prévisible est ennuyant au possible, la mise en scène manque de style, la photographie est assez quelconque, l'utilisation du thème de la possession est très moyenne, l'enquête n'a au final aucun intérêt et la volonté de malédiction n'apporte aucun plus. Je recommande plutôt The Exorcist 3 si on veut une enquête policière liée à une intrigue de possession, Même Amityville 2 de Possession exploite mieux le sujet de possession. Donc le film se mérite un 2. J'ai pas vu The Nun 2 sorti en 2023 et j'en ai pas envie. Il va finalement y avoir un quatrième épisode de la série principale en espérant qu'il sera pas mauvais, surtout si c'est supposé être le dernier enfin de Conjuring Last Rites. Il me semble que toutes les plus célèbres affaires de Ed et Lorraine Warren ont été exploitées avec cette série et plusieurs films antérieurs autour des mêmes protagonistes, ce qui me pousse à regarder des films antérieurs sur le célèbre couple. Pas tant que le sujet me fascine, je ne crois pas vraiment à ce genre de choses, mais cela peut donner de bons divertissements. Les films de maisons hantées, de mauvais esprits et d'entités démoniaques étant souvent plus effrayants que les films de tueurs en série, de zombies, de vampires et de loups-garous, même s'il est vrai qu'ils ont trop souvent tendance à reposer sur les jumpscares. Ce qui m'amène au téléfilm The Haunted, sorti en 1991, écrit par Dara Cloud, réalisé par Robert Mandel. Si ce n'est pas tous les Conjuring qui m'ont convaincu, ce n'est sans doute pas un téléfilm qui va tellement plus me convaincre. Bien évidemment, l'ambiance, la photographie et les effets sont généralement assez cheap. Par contre, si ce n'est pas nécessairement très subtil, on ne peut certainement pas accuser le film de faire dans le stupide jumpscare à la noix. Il y a pas mal de moments ridicules, mais il y a par-ci par-là des plans vraiment réussis, quelques bons moments. Si la performance des acteurs n'impressionne certainement pas au premier abord, au fur et à mesure que le film avance, les acteurs offrent occasionnellement des moments de jeu d'acteurs très réussis, notamment le père de famille. Ce film-ci n'est pas du point de vue des Warren, qui sont ici plutôt des alliés, mais de celui de la mère de famille. Il est dur de ne pas rire devant la résolution du film et l'épilogue, donc en bref, The Haunted n'est pas notable et assez médiocre, mais elle est tout de même bien par moments, ce qui n'est certes pas suffisant pour en faire un bon film, mais ce n'est déjà pas si mal. Je soulignerai tout de même un mensonge des protagonistes quand ils ont répondu à la question de Ed Warren sur l'usage de drogue, vu le nombre de cigarettes que la mère consomme tout au long du film, mais bon, c'est 1991. Donc ça se mérite un 2. The Hunting in Connecticut, réalisé par Peter Cornwell, écrit par Adam Simon et Tim Metcalf, produit par Paul Brooks, Andrew Trapani, Daniel Farrans et Wendy Rhodes, sorti en 2009. Encore une famille qui emménage dans un lieu hanté par des entités maléfiques. Cette fois-ci, la maison était pas chère parce qu'elle a déjà servi de morgue par le passé, même si dans les faits, c'est un peu plus que ça. La mère de famille a choisi cette maison car elle n'était pas chère et plus près de l'hôpital, ce déménagement étant pour se rapprocher de l'hôpital à cause du fils adolescent qui a un traitement pour le cancer. Bien évidemment, le film fait dans le jumpscare et tout va progressivement, mais la bonne idée qui donne particulièrement du sens à la progression est que la maladie du fils en fait à la fois la cible parfaite pour les esprits, puisqu'il est le plus faible, mais aussi pour qu'il les voie, celui-ci étant le plus près de la mort. Et puis cela permet d'instaurer facilement le doute si ce qu'il remarque, ce sont des manifestations ou bien des hallucinations. Étonnamment, on ne voit pas les Warren à aucun moment du film. L'aide de la famille sera plutôt un prêtre mourant que l'adolescent va rencontrer à l'hôpital. Je présume que les créateurs du film ont préféré ne pas invoquer les Warrens. Selon Internet, d'un côté, le film prend beaucoup de liberté. Surtout d'un autre côté, il y a pas mal de controverses autour de cette affaire entre l'utilisation de drogue par les gens impliqués, le cirque médiatique qu'en auraient fait les Warren, et surtout ce qu'en dit l'auteur engagé par les Warren pour écrire le livre sur le sujet, celui-ci affirmant que Ed lui demandait d'écrire quelque chose d'effrayant autour de quelques éléments de base qu'il lui avait donnés et les propos incohérents et contradictoires des gens impliqués. L'ambiance et la progression sont assez réussies, et s'il y a des jumpscares, il me semble que le film n'en abuse pas trop, et que quelques-uns mènent à des retournements plutôt sympathique, Le film se mérite donc un 3. Bien évidemment, il y a surtout la plus célèbre affaire sur laquelle auraient enquêté les Warren, une affaire assez contestée aussi, qui a donné un film très populaire, bien que semble-t-il assez loin des supposés événements, et dans lequel les Warren n'apparaissent jamais, film qui aurait donné toute une franchise, je parle bien évidemment de The Amityville Horror, film sorti en 1979, réalisé par Stuart Rosenberg sur un scénario de Sandor Stern, basé sur The Amityville Horror par Jay Hansen. Le film est produit par Elliot Geisinger et Ronald Saland. C'est rafraîchissant. Après des films d'horreur actuels, on ne voit pas du tout dans l'utilisation abusive de jumpscare, même si le film ne va clairement pas dans la retenue. Un film de maison hantée très populaire, basé sur une supposée histoire vraie, connue notamment pour un look assez exagéré de la maison. Une famille aménage dans une maison qu'ils ont pu avoir pas cher après les meurtres qui y sont survenus auparavant. Le film a une progression assez réussie qui permet de poser l'atmosphère et d'approfondir un peu le couple en l'introduisant très correctement, un joli couple qui s'aime et en suivant leur progression avec les événements. Les enfants ne sont pas approfondis le moindrement du monde, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Les bonnes performances d'enfants acteurs, surtout aussi jeunes, sont quelque chose d'assez rare. Le film utilise aussi un peu l'imagerie chrétienne, sans tomber dans l'abus, de manière assez réussie et, ma foi, il me semble assez efficace, surtout quand on pense que ce film a été produit à une époque où, il me semble, les gens étaient plus religieux qu'aujourd'hui. Un bon film d'horreur tout à fait honnête, sans être pour autant l'un des plus efficaces. Je présume que son statut d'histoire supposément vécue a servi sa popularité et qu'il ait une tonne de suites. Le film se mérite un 3, c'est un divertissement tout à fait honnête. S'ensuit en 1982, Amityville 2 The Possession, réalisé par Damiano Damiani, sur un scénario de Tommy Lee Wallace et Dardano Sacchetti, basé sur Murder in Amityville par Hans Holzer, produit par Ira N. Smith, Stéphane R. Greenwald et José López Rodero. Ce second film n'est pas une suite, mais un préquel. Dans le premier film, la famille emménage dans une maison où se sont passés des meurtres, mais on ne connaît pas vraiment la nature des meurtres. Ce film se penche sur le sujet, bien que cela ne nous apprend bien sûr pas grand-chose sur l'origine de ce qui hante la maison. Une famille différente emménage dans la maison. Cette fois-ci, on s'attarde plus sur les enfants, mais il n'y a pas que des petits, il y a aussi des ados. L'atmosphère familiale originelle n'est pas aussi paisible dans ce film. On pose dès le début un père violent, le fils aîné semblant la principale victime du père et sans doute le personnage principal du film. On perd ainsi pas mal de progression, mais si le premier film ne fait pas tellement dans la subtilité, celui-ci encore moins. Nous n'avons pas seulement une maison hantée provoquant des phénomènes paranormaux et influençant la psychologie, mais aussi un cas de possession. Le film veut clairement miser sur le succès de The Exorcist, même s'il remonte à plus de 10 ans. Le film repose plus sur le choc visuel et l'utilisation d'effets spéciaux pas toujours très réussis et plutôt gratuits, moins sur la psychologie et la construction de l'ambiance. Le film utilise moins bien le thème de la religion chrétienne que son prédécesseur, alors on est très loin du classique de William Friedkin. Même si ce n'est pas une mauvaise chose de faire une suite différente de l'original, j'aurais préféré voir un meilleur film de maison hantée qu'une mauvaise tentative de surfer sur le thème de l'exorciste. Mais au moins avec ce manque de subtilité, on est loin de l'usage abusif de jumpscare. Le film se mérite donc un 2 sur 5. S'en est suivi, en 1983, Amityville 3D, connu aussi en tant que Amityville 3, The Demon, réalisé par Richard Fleischer, écrit par David Ambrose, produit par Stephen F. Keston et Antonio Rubio. Ce film est, il me semble, la seule véritable suite de l'original entre un préquel, un remake et un tas de directs ou vidéos ou téléfilms basés généralement sur n'importe quel objet provenant de la maison hantée. Comme le titre le suggère, le troisième film a été filmé en 3D. Pas la 3D actuelle, celle des années 80. Comme cela peut le faire penser, pas mal tout au long du film, on balance des trucs en direction de la caméra et on abuse un peu de l'utilisation de la profondeur pour construire les plans, dont parfois certains éléments sont plutôt flous. Mais ce n'est jamais aussi exagéré, ou très rarement, quand dans le générique de début avec une ambiance très ratée du titre du film, les noms dans au générique sont un peu envoyés vers l'écran, mais rien de raté, et aussi abusé que le titre avec des branches qui sont continuellement balancées devant la caméra. Cela donne le ton. Ça devient encore plus risible quand on voit le film en 2D. La vieille édition DVD avec laquelle j'ai vu ce film n'est pas en 3D et je serais pas mal surpris que l'on ait investi pour faire une sortie vidéo de ce film en 3D. Le film ne joue pas le moindrement du monde dans la subtilité, on ne fait pas dans le psychologique, on fait très peu d'efforts pour l'ambiance, on se contente de balancer des trucs à la caméra, de créer des cheap scares, mais puisqu'il n'y a pas vraiment d'efforts pour l'ambiance ou la tension, cela ne fait pas vraiment sursauter, donc on peut difficilement qualifier ça de jump scare. Mais voilà, le film ne se prend clairement pas au sérieux, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le dernier film, supposément basé sur les événements entourant la maison d'Amityville, on raconte cette fois-ci l'histoire d'un journaliste enquêtant sur les charlatans exploitant le surnaturel qui ne résiste pas au prix trop bas de la maison. Après tout, il ne croit pas à toutes ces fadaises. Ce serait inspiré sur un certain Stephen Kaplan, un investigateur du paranormal très sceptique face aux récits d'Amityville. J'ai été surpris, aussi petit soit le rôle, de voir Meg Ryan jouer l'ado fanat de spiritisme ami de la fille du journaliste. Quoique ça m'a aussi un peu surpris de voir des ados qui ont l'air à peine plus jeunes que la mère. Le film se termine avec des scientifiques qui enquêtent sur la possibilité d'événements paranormaux dans la maison. Bien qu'on est loin de Poltergeist, sorti un an plus tôt, c'est clairement le meilleur passage du film. Un film stupide, mais plutôt fun, qui se mérite un 3 sur 5. Amityville 4, The Evil Escape, aussi connu en tant que Amityville Horror de Evil Escape, c'est un téléfilm de 1989, basé sur Amityville de Evil Escape par John G. Jones. Le film est écrit par Sandor Stern et réalisé aussi par Sandor Stern. Dans ce téléfilm, une dame achète dans une vente de garage une lampe hideuse pour offrir un cadeau comme blague à sa sœur qui va héberger sa fille et ses petits-enfants endeuillés par la mort du père de famille. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que cette lampe vient d'Amityville et qu'elle joue de mauvais tours avec les appareils électriques et d'autres trucs. Des tours mortels. Et puis, il y a la plus jeune fille qui imagine parler à son père. Il ne faut pas s'attendre à grand-chose d'un téléfilm sur une lampe maléfique provenant de la maison d'Amityville. Mais bon, il y a pire, et puis c'est tellement mauvais que ça peut occasionnellement être vaguement amusant par moments, même si c'est surtout ennuyant. Le film se mérite donc un 1 sur 5. S'ensuit The Amityville Curse, réalisé par Tom Berry, écrit par Michael Kruger et Doug Wilson, et Norval Rose, basé sur The Amityville Curse par Hans Holzer, produit par Franco Battista, un film direct tout vidéo sorti en 1990. Pour une des rares fois après les trois premiers films, il n'est pas question d'un objet hanté, mais d'un psy qui achète une certaine maison pas chère, croyant faire une bonne affaire uniquement parce qu'elle a besoin de rénovation. Il invite donc des amis pour la rénover avec lui. Le scénario est moyennement cohérent, on se demande même si ce sont des amis, des employés ou des patients qui est en couple avec qui, etc. Par contre, j'aime beaucoup la progression et l'ambiance assez réussie sans tomber dans l'excès. Le style, la musique et même dans une certaine mesure la photographie ne sont pas mal, surtout pour un premier direct ou vidéo, essayant de faire cash-in avec le nom Amityville. Là, ça se mérite donc un 3 sur 5. Il y a eu ensuite le direct ou vidéo en 92, Amityville, It's About Time, réalisé par Tony Randall, écrit par John G. Jones et Christopher DeFaria et Antonio Toro, produit par Barry Bernardi, Steve White et Christopher DeFaria. Un père de deux ados ramène une vieille horloge venant d'une maison démolie, mais il ne l'a pas ramenée de la bonne maison. Un chien va blesser sérieusement le père en le mordant. Son ex-petite amie va essayer de prendre soin de lui. Le fils pense que le mal est en train de s'étendre depuis l'intérieur, mais l'ex ne le croit pas. L'horloge, ou whatever, va jouer avec le temps et l'espace, les événements. Le père est de moins en moins normal. On a des suspicions envers le fils. La fille va éventuellement devenir obsédée. Il se passe des choses pas normales. Contrairement au ridicule Evil Escape, on utilise un objet maléfique qui fait plus de sens, une horloge qui influe sur le temps et les gens, plutôt qu'une lampe ridiculement moche qui fait n'importe quoi. Ça fait beaucoup plus de sens, c'est bien plus psychologique et bien plus travaillé au niveau du style. On ne tombe certainement pas dans quelque chose d'aussi remarquable qu'Hellraiser, mais c'est vraiment pas mal du tout. Ça se mérite donc un 3 sur 5. Puis il y a eu Amityville, A New Generation, réalisé par John Murlowski, écrit par Christopher DeFaria et Antonio M. Toro, produit par Barry Bernardi, Steve White et Christopher DeFaria, un direct-to-video sorti en 1993. On suit un groupe d'amis artistes qui préparent une galerie. L'un d'entre eux se fait donner par un sans-abri un miroir. Il aurait peut-être dû refuser. Le film a des thématiques sympathiques, quelques bonnes scènes et une photographie en général assez bonne, mais le film souffre d'un peu de longueur et surtout d'acteurs qui semblent aussi émotifs que du ton en canne. Le film se mérite donc un 2 sur 5. S'ensuit en 1996 le direct-to-video Amityville Dollhouse, réalisé par Steve White, écrit par Joshua Michael Stern, produit par David Newland et Zane W. Levitt et Mark Yellen. Un autre film qui avait du potentiel mais qui le gâche, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Une famille reconstituée emménage dans une maison que le père a fait construire à l'emplacement d'une maison qui a brûlé. Le père va trouver dans l'ancien cabanon une grande maison de poupée qu'il va donner à sa fille pour son anniversaire. Peut-être pas une bonne idée. Justement, il y a quelques bonnes idées, diverses bonnes scènes et le casting semble étonnamment assez bon en général pour un direct ou vidéo, mais il y a toujours des petits éléments qui ont fait que je n'embarque pas vraiment, soit certains effets pas très réussis, quelques détails incohérents du scénario, les personnages secondaires plutôt mal intégrés, une photographie souvent assez moyenne et surtout la musique nullissime. Je comprends bien qu'une production à petit budget utilise un synthétiseur, mais il y a moyen de faire des choses sympathiques avec un synthétiseur. Le film se mérite donc un 2 sur 5. En 2005, il y a eu The Amityville Horror, réalisé par Andrew Douglas, sur un scénario de Scott Cousin, basé sur The Amityville Horror, par Jay Hansen, produit par Michael Bay, Andrew Form et Brad Fuller. On nous donne donc ensuite des années plus tard un remake du premier, ou bien une nouvelle adaptation du bouquin de supposés faits réels. Ça pourrait sembler pas si mal au tout début avec la présentation de la famille, mais très vite, on tombe dans l'absence totale de subtilité, des tentatives ratées de nous effrayer. L'original n'est pas exactement un film subtil, mais on est loin de cette chose. Au final, il y a bien quelques scènes pas trop mal. On pourrait croire qu'on explore un peu le passé de la maison, mais ce n'est pas pour faire grand-chose avec. C'est franchement pas terrible. Le remake, ça, mérite un 2 sur 5. Depuis, il y a eu plus de 30 films, je n'ai aucune intention de les voir. Mais j'ai tout de même fait une exception par curiosité. Amityville Gas Chamber, sorti en 2022, un film de Michael Stone. Ce film, intégralement visionnable sur YouTube, mène à se demander si c'est une grande œuvre ou bien un foutage de gueule débile allé trop loin. Étonnamment, ce n'est pas si mal pour ce que c'est. Mais ce n'est clairement pas le genre de film pour tout le monde. J'hésite à donner un 29 sur 5 ou un 0 sur 5. Cela mérite peut-être un 1, mais c'est tout de même plutôt amusant, malgré tout, d'une certaine manière. Houhou! Je vous souhaite un effrayant Halloween. Au revoir. À bientôt.